n'y a pas de fumée sans feu, tu l'es. Tu l'es, tu le rends absolument non. Tu l'es. Ni l'argent que je dis, je l'aime. Il aime le football. Tu l'es. Il aime beaucoup ce que vous faites. Tu l'es. Il dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu.